La foudre et la tonnerre, c'est un village avec de la sécheresse et du sable. C'est un village jonché de tempêtes. La foudre et la tonnerre, il avait effrayé tout ceux qui étaient étrangers. Il voulait demander dans un nouvel village. Il voulait aborder un nouvel avenir et il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas. Un jour, sa prière en était entendue. Ils sont allés à un nouveau village avec sur de l'eau et avec sur de nourriture. Maintenant, surtout les enfants et les femmes vivaient tranquillement. Ils ont vu à loi le foudre et la tonnerre. C'est un village avec de la sécheresse et de la sable. C'est un village jonché de tempêtes, la foudre et la tonnerre. Il avait effrayé tous ceux qui tiennent étrangers. Il voulait demander dans un nouvel village. Il voulait aborder un nouvel avenir.